chemin de la connaissance. Dejan Bogdanovic présente Transmission orale des connaissances ancestrales. Aujourd'hui, dernière émission, Transmission orale des connaissances ancestrales, la parole de l'homme, la parole de Dieu, avec Najmuddin Bamat, professeur à l'université Paris 7. Précédents entretiens, nous avons parlé de la chose faite. Aujourd'hui, j'aurais voulu que nous parlions de la place du verbe en islam, de la chose entendue. Najmuddin Bamat, pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes lignes de la chose entendue en islam? En fait, la civilisation musulmane est à la fois une civilisation du livre, une civilisation de l'écrit, et c'est aussi une civilisation orale. Et entre les deux, il y a une querelle d'orientalistes, surtout. Les uns placent l'islam parmi les civilisations écrites et ont une approche essentiellement philologique des textes. Les autres, plus récents, les ethnologues, disons, essaient d'aborder une civilisation dans laquelle retrouvent avec plaisir la place de la parole, qu'il s'agisse du verbe révélé ou qu'il s'agisse du conte populaire, voilà deux extrêmes, et il s'applique au contraire à mettre en évidence un islam autre, qui serait un islam populaire, chaud, à ras du sol, un islam ethnique qui viendrait de petites communautés tribales en Afrique du Nord ou ailleurs en Moyen-Orient et qu'ils opposent à l'islam savant, intellectuel, à l'islam des oulémas, des hommes d'écriture. En réalité, c'est le même islam. Et c'est ça que je vais essayer de développer, mais ce sont deux faces d'une même réalité. Et il n'y a pas un fossé entre l'islam des savants et des oulémas et l'islam du conte populaire. Et le lien entre les deux, la parole qui est à la fois transcendante et quotidienne, c'est le verbe tel qu'il est dans le Coran. Le Coran est d'abord, avant que l'être écriture, il est parole. Il a été parole au moment de la révélation première au prophète, et il est parole également lorsqu'il est récité en prière, sans le support du livre, mais en même temps, la vraie lecture du Coran, c'est la lecture psalmodiée, la lecture tartilan, la lecture rythmée, scandée, cadencée. Donc c'est une ligne verbale, une parole, ce qui fait que le verbe reste toujours présent, même dans une civilisation écrite. Et l'islam a beau être, avant tout, ou en grande partie, une civilisation du livre, il n'en est pas moins vrai que du fait que la parole coranique, sous forme de verbe, irradie, se répercute et résonne jusque dans le conte populaire, nous avons là un élément d'unification tendu entre l'islam des fuqahas, des juristes ou des ulamas, des savants, et l'islam du conte populaire, du conte immédiat. Donc voilà le premier élément d'unité qui est un élément verbal. C'est la parole sous forme de verbe. Et de même qu'on a pu dire que, je crois que c'est Victor Hugo, que les cathédrales sont des évangiles de pierre, on pourrait dire, en renversant la phrase, que dans l'islam, il n'y a qu'une seule architecture en réalité, c'est le verbe, c'est la parole à l'intérieur du Coran. Voilà la véritable architecture, et l'une des preuves, comme vous le savez, de la révélation, c'est qu'on n'arrive pas à imiter et on ne doit même pas traduire le Coran. Voilà donc le premier élément d'unité qui est un élément de parole, c'est la parole avec un grand V, c'est le verbe. ce qui vient donc et qui unifie cette civilisation. Quelles sont les manières de la transmission orale dans la civilisation islamique? Nous avons donc le verbe que nous venons d'évoquer, qui est le verbe de la révélation, qui est un verbe unique et unificateur, mais nous avons de manière plus quotidienne la parole qui enseigne, qui transmet, non seulement la parole qui prie et qui unit à l'absolu, mais la parole qui transmet un savoir et la parole qui enseigne. Et là, je peux peut-être me référer à une expérience personnelle, puisque j'ai passé quelque temps à l'Azhar, qui est à la faculté de théologie de l'Azhar, faculté à l'époque où j'y étais encore très traditionnelle et très scolastique, et devenue infiniment plus moderne depuis. Et l'enseignement s'y faisait uniquement par voie magistrale de l'exemple donné par le maître. Et qu'il s'agisse d'enseignement juridique, d'enseignement linguistique, d'enseignement théologique classique, ou bien d'enseignement mystique, la lecture des manuels n'est d'aucun secours. Elle sert d'appoint, elle sert d'aide-mémoire. C'est aussi le rôle du Coran. Il a d'abord été récité, et il a été placé par écrit quelques années après, par le calife Osman, et nous n'avons pas de doute que la parole vient avant l'écriture, et pour l'enseignement c'est la même chose. Qu'il s'agisse du cheikh assis à transmettre le savoir, du alim, de l'homme de science qui transmet la science, et là par science j'entends la science depuis la connaissance spirituelle jusqu'à la science au sens le plus immédiat, le plus moderne du terme, l'exemple qui se transmet par la parole et donc par l'influence directe est primordial. Il reste primordial. Ce qui compte, c'est un homme, d'abord. Et le manuel sert non pas de béquille ou d'aide-mémoire, mais il sert de rappel. Et l'étudiant est celui qui écoute le manuel. Dans la technique, le maître explique rarement. Il ne développe pas. Il témoigne. Il dit ce qui est. Et à l'élève de retrouver le pourquoi, le comment et le cheminement de la pensée, en fait, ce cheminement et ce pourquoi et ce comment, il doit l'intérioriser, l'intégrer. Ce qu'il faut, c'est qu'il puisse créer tout aussi spontanément l'enseignement et le transmettre qui lui est donné. Au fond, il y a deux sortes de civilisations, les civilisations de témoignage écrit et les civilisations de témoignage oral. Celles où parole passe l'écrit et celle où l'écrit passe la parole. Bon, dans le deuxième cas, nous avons par exemple le droit romain, la civilisation romaine, où c'est l'écrit. Et aujourd'hui encore, la signature d'un écrit joue un rôle fondamental. On dit, ce n'est pas couché sur le papier, ce n'est pas écrit, ça n'a pas de valeur. Or, dans la civilisation traditionnelle, qu'il s'agisse d'Afrique, et il s'agit aussi de l'islam, ce qui compte, c'est la parole de celui qui témoigne. Et le témoignage par excellence, la shahada par excellence, c'est l'affirmation, la profession de foi, mais aussi le témoignage en justice, le shahid, là, et c'est aussi le même mot pour le martyr. Donc, dans chaque cas, il s'agit de témoignage, d'affirmation, et le témoignage d'un homme qui parle engage non seulement un événement, l'objectivité d'un fait extériorisé, mais engage une personne, c'est-à-dire toute sa vie. Engage toute une épaisseur corporelle, mentale, elle engage aussi sa famille, sa tribu, son éducation, les siens. Donc, lorsque quelqu'un parle, lorsqu'il témoigne, qu'il témoigne en justice, ou qu'il enseigne, qu'il transmet, il ne transmet pas uniquement de manière limitée un savoir réduit au savoir. Il y ajoute sa personnalité, il y ajoute le ton de sa voix, et ce qu'il peut y avoir de persuasif en lui, en dehors du contenu de la leçon. Il engage sa femme, ses enfants, ses pères, grands-pères, tous ceux qui sont morts et qui sont sous terre, ce qui fait que, outre la transmission de l'enseignement, il y a le témoignage et il y a l'ensemble de tout ce qu'il a appris, su, vu, médité, tout ce dont il est l'héritier, Alvarez, en espagnol, Alvarez, il apporte donc l'ensemble. Ce qui fait que le témoignage oral est infiniment plus riche que le témoignage écrit. Le témoignage écrit qui note un fait ramené à lui-même. Il est quantitatif. En ce sens, il est peut-être plus précis et encore. Il peut être interprété de façon différente. Et en tant qu'habituotaire, vous savez que le même texte peut être interprété de 100 façons différentes. Donc, à l'évidence du texte, est opposée l'évidence de la personne avec son témoignage vivant. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était aussi les rapports entre maître et élève dans les différents artisanats et le fait que le maître transmet en même temps des connaissances pratiques, comment il faut construire tel ou tel objet, mais il transmet en même temps des connaissances initiatiques et il transmet aussi une certaine éthique morale, et ceci d'une manière progressive, j'allais dire presque d'une manière douce. Vous avez touché là ce qui me semble fait l'essentiel de la civilisation musulmane. Et je crois que le mot autour duquel tout vient se couler, c'est celui d'exemple. Le maître prêche d'exemple. Parce que nous avons quantité de maîtres dont le niveau moral est indifférent. Tandis que là, on ne veut pas enseigner si à la qualité de science, on n'ajoute pas la qualité morale, la qualité éthique. Et on ne peut pas transmettre, qu'il s'agisse de droit, qu'il s'agisse, comme on l'a dit très justement, d'artisanat. J'ai pu observer des maîtres calligraphes, par exemple, ou des maîtres fabricants de faïence. Ils transmettaient à la fois un savoir et un savoir-faire. Et comment ils le transmettaient? Pas par des explications, mais par l'exemple. Il était avant de savoir. Et le disciple, il se crée un esprit de communauté, et quelquefois d'ailleurs une fascination excessive pour le maître, un service du maître peut-être un peu servile parfois, et on a beau jeu d'y opposer l'esprit critique, mais en fin de compte, cette fascination, cette imitation du maître est une imitation qui donne une certaine plénitude. Ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement d'ingurgiter une leçon et des faits, mais d'avoir devant soi un spectacle total et vivant d'un homme. Un homme qui connaît son art, qui connaît la calligraphie, qui connaît la faïence, qui connaît la construction, qui connaît le droit, qui connaît la théologie, qui connaît la philosophie, mais surtout la transmission d'ancêtres, d'un patrimoine et l'ouverture sur un avenir qu'il appartient à l'élève de saisir et de continuer. Et cet élément de tradition, de continuité, dans lequel ce qui est transmis n'est pas simplement une connaissance, mais un être, une manière d'être, des êtres, une manière d'être au monde, ça c'est très caractéristique de certains aspects qui sont menacés sans doute, mais qui subsistent encore. J'ai rencontré moi-même des maîtres calligraphes, des maîtres faïenciers, qui étaient en même temps des sages, parce qu'ils étaient à la fois des hommes de corporation et des hommes d'ordre spirituel, d'ordre que l'on dit de Tawouf, d'ordre mystique. Et là, nous avons la conjonction entre le savoir et le savoir-faire, entre la tradition corporative et la tradition spirituelle. Ceci a tendance à disparaître en islam ou partout ailleurs, mais l'esprit a marqué une civilisation pendant près de 15 siècles et il n'a pas encore tout à fait disparu. Lorsque, pour la première fois, je vous avais entendu parler, il y a plus de 20 ans, je me souviens, vous nous avez parlé de l'objet que l'artisan ne termine pas. Un tapis où tout est parfait, sauf une petite chose, d'une poterie que le potier fait d'une manière absolument parfaite, presque comme une machine, mais quelque part, presque, je ne sais plus si c'est exprès, volontairement ou sciemment, mais il fait comme quelque chose, comme un petit défaut. Tout d'abord, je suis frappé de votre mémoire, c'est juste. Et je crois que ça se rattache au thème de notre conversation d'aujourd'hui, de notre causerie, ça se rattache au thème de la transmission, de l'enseignement. Le maître, j'en ai vu opérer beaucoup, explique très rarement. C'est-à-dire, il ne démonte pas une vérité toute faite qu'il procure aux étudiants. C'est à l'étudiant qu'il appartient d'ajouter le quelque chose que le maître ne lui dit pas. Il garde une trace de mystère. De même qu'en mystique, il y a 99 noms divins, le centième, c'est celui que l'homme qui énonce les mots réalise dans son âme, dans son silence. Et il n'a pas de nom, il est invisible. De même, de manière beaucoup plus modeste, le maître, quand il s'agit d'artisanat ou quand il s'agit de droit, c'est la même chose, ne dit pas tout, et surtout, il ne démonte pas une vérité toute tête inexplicable. Il y a un mot qui désigne très bien cela dans l'enseignement traditionnel chinois. Il ne s'agit pas de transmettre quelque chose à quelqu'un, on n'y arrive jamais, mais, disent les anciens chinois, de réveiller le tigre qui dort en chacun de nous, de réveiller le maître qui dort. Donc il ne s'agit pas de transmettre un enseignement, mais d'amener l'étudiant à réveiller le maître. Or, pour le faire, il ne faut pas lui transmettre la vérité toute mâchée et toute faite, il faut qu'il y ait une part impondérable qu'on n'arrive pas à transmettre, un je ne sais quoi qu'il doit créer, et dans les tapis, dans les œuvres de faïence, c'est la même chose. La régularité, la symétrie absolue serait la mort. Et c'est pourquoi un tapis bien fait réserve quelque part une asymétrie, une irrégularité, une tache. La même chose pour une poterie, la même chose pour une calligraphie, la même chose pour une faïence. La régularité, la symétrie absolue, de même que l'enseignement achevé, clos sur lui-même, serait la mort. Et on laisse, de même qu'il y a dans les contes, les apologues, même dans les contes amusants de Mullah Nasreddin, il y a une part qui est faite pour éveiller la curiosité de l'élève et l'amener d'une position passive de spectateur à une position active de créateur dans son domaine. Le tapis n'est pas achevé, la poterie porte des traces de pouces, et ainsi de suite, il y a quelques irrégularités, et ces quelques irrégularités sont, je ne sais pas comment le dire, sont peut-être l'indicible. Et l'essentiel. Et j'ai l'impression qu'elles sont aussi le reflet du désir de cet artisan de ne pas vouloir jouer le créateur et de se substituer au créateur. C'est aussi une manière de dévotion, une manière de dire qu'il n'y a que Dieu qui est complet, que nous autres, nous allons vers... Une manière vers... de modestie et d'humilité que seul Dieu peut achever une œuvre. Et à l'homme, il appartient une tentative. Et l'accomplissement, eh bien, on le verra un jour qui sera au-delà de notre vie, Inch'Allah. Et quelle est la place du soufisme dans l'ensemble de l'islam ? Je répondrai, si vous voulez, d'abord à la seconde question. Cette place pourrait se comparer à ce qui est dit dans le Coran sur la situation de Dieu lui-même par rapport à la création. Il est à la fois transcendant, extérieur, et plus intérieur et plus proche que l'artère jugulaire elle-même. De telle sorte que certains ont pu l'interpréter comme étant la substantifique moelle à l'intérieur même de la tradition la plus orthodoxe, alors que d'autres ont pu, et à juste titre aussi, l'imaginer comme étant une envolée en-delà des formes de l'orthodoxie. En réalité, le soufisme et la métaphysique à la fois intellectuelle et aussi existentielle. Car la mahabba, la voie de l'amour, et la ma'rifa, la voie de la connaissance, s'y trouvent entièrement unies. Le but, c'est le tawhid, c'est l'unité. C'est de se trouver en état d'unification qui reproduirait par l'unité de l'être qui résume toutes les facultés de son être autour de ce point intime, intérieur, comme le dit Saint Jean de la Croix, el mas profundo centro de mi alma, le point le plus intérieur de mon âme, de gommer tout ce qui est habitude acquise, tout ce qui est ambition, tout ce qui est habitude de pensée, routine sociale, conformisme, pour ramener l'être sur ce qui c'est sa qualité d'être. Donc, aspect métaphysique. Mais aspect métaphysique qui se trouve lié également dans le soufisme à des exercices spirituels, exercices d'invocation, le zikr, concerts spirituels, comme ceux des derviches tourneurs, dans lesquels l'effort de réflexion se trouve accompagné d'une mise en disposition de l'être entier et s'accompagne également d'actes de charité ou d'actes d'ascèse, d'actes de contrition. Le soufisme est donc à la fois une règle de vie, une voie de salut et une forme de connaissance. Il s'agit dans le soufisme de go.